son, j'ai des rimes dans la tête. Si ça marche, prends mes sous et j'arrête. Une ice tea, deux galops et un pet. J'suis encore un gamin, ouais, j'fume en cachette. Mon pote devait sortir, puis l'ont mis au cachot. On les baisse, pourquoi on est fâché? Comment s'intégrer dans un pays de fachos? Même quand tu fais rien, trouve moyen de te faire chier. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. Ouais, ça vient des manguettes, j'suis un blondin mais j't'assure j'suis des Z. Eux c'est des grosses tapettes, pour un one-one ils ramènent tout le check. J'suis un insomniaque, j'dors pas la nuit, ça m'a luné, change vite ta vue. Tu parles trop des gens et ouais vite ta vie, y'a les hnen qui restent, ils sont à l'affût. Ça lève sur l'avenue, nos darons en panique, on n'a pas d'avenir. Mais c'est que le début, et c'est après deux trois pets, tu vois tes yeux rougir. Moi je veux m'en sortir, si ça se passe bien, il faut pas rager. 23 ans à la pire, faut pas m'en vouloir si je veux me casser. Encore un peu je casse tout, on m'a dit avec ta tête tu passes partout. Aucune vue achetée, si je fais le million ça veut dire que j'arrache tout. Moi j'écris chez Boobzer, entre couilles ouais y'a rien de bizarre. Ton vélo t'es louche, seulement près de verre on voit ton vrai visage. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. Pourquoi t'es excité? Toi t'es pas le meneur, t'es juste incité. Moi j'apprécie tout, alors qu'un nouveau puis qu'elle t'a quitté. J'veux toujours la MG, si les trois gars dans le quartier. Y'a toujours la grinta, KTM orange comme Beretta chicha. En ce moment c'est chaud, mais on fait tout pour nos projets la garde. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. J'suis seul, j'me balade, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. J'suis seul, j'me balade toute la nuit parano. Un poids sur mes épaules, l'impression de vivre ce que veut un autre. C'est le tic nueve, c'est le tic nueve, tic nueve, c'est le tic nueve, tic nueve.